J'mets du même et du respect. Regarde le fond, calcule pas l'aspect. J'écoute mes textes quand j'suis casqué. Combien de fois ma vie j'l'ai risqué? Combien de fois ma vie j'l'ai risqué? J'ai vu leur masque et mes skins. Je pue les mais j'reste cool. Je pue les mais j'reste cool. Des fois j'm'en rouge et pour le coup, j'ai envie de mettre des coups de coude. T'es avec moi alors soutiens ce que j'fais. Mon objectif améliorer ce qu'on vit. Quand j'suis en roue libre, j'sais même plus ce que j'fais. C'est réel, il faut pas que je me perde, j'tiens les rênes. Pour pas qu'ils tombent, j'tiens les rails. Rate rien dans tes oreilles. Un jour on les aura. Je souris sous l'orage. Le corps griffé. J'sais même pas si ça va bien, mais bon j'm'y fais. Si j'm'écoute de l'intérieur, j'vais me les faire. Des actions m'ont touché, j'me méfie. Des fois pour arranger, faut mettre fin. Une part de cœur, une part d'instinct. J'camber, j'profite pas de l'instant. Elle m'aime trop, elle me dit de rester. Ouais, le coup, ils me font des trucs de fou. J'vire en rouge, t'es rareille. Pas de Ferrari, j'accélère, ni nerf tendu sous la raille. J'me soigne sous la rage, la faute, tu auras. Me fais pas de faux espoirs ou de foire. Rage, me cale pour point, power. J'me lève pour frapper ou arranger. J'vois noir, chèque, j'vais tout mélanger. J'ai des filons pour m'être bien t'arranger. Reste loin de moi si t'aimes te mélanger. J'ai un point sur moi, mais j'utilise la tête. J'coupe les ponts, j'me fais plus mal à la tête. Les conseils, je suis en train de créer ma pâte. Aujourd'hui, je te propose que de la pâte. Y'a des choses qui m'ont marqué, je pourrais pas m'y faire. C'est pour ça que j'ai ce regard, la salle de l'hiver. Ouais, ils ont pas tous des principes des mammifères. J'ai su des choses et j'ai juré que ça m'a mis vert. L'entourage est restreint, ne te fais pas en follow sur Insta. Mais je pas parce qu'à la base, je suis instable. Fais ta route ou dis-moi simplement comment est-ce. Si tu connais les gens de droite à gauche, qu'on on laisse ça. Vois le fond du message pour comprendre le massacre. Là, je suis dans le cassage, cassage, cassage. Vois le fond du message pour comprendre le massacre. Là, je suis dans le cassage, cassage, cassage. T'es avec moi, alors soutiens ce que je fais. Mon objectif, améliorer ce qu'on vit. Quand je suis en roue libre, j'sais même plus ce que je fais. C'est réel, mais faut pas que je me perde, j'tiens les rênes. Pour pas qu'ils tombent, j'tiens les rails. Rate rien dans tes oreilles. Un jour, on les aura.